La compétition à qualité égale. Et vous n'avez pas à attendre les ventes. Chez Matelas Confort, vous profitez toujours d'une qualité exceptionnelle à un prix inégalable depuis plus de 45 ans. Matelas Confort, juste pour le plaisir de bien dormir, avec la qualité et le prix du manufacturier. Matelas Confort. Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Eh bien, bienvenue au Grain de Sable. C'est Jean-Claude Ciel à l'animation et Étienne Blondeau à la chronique. Bonjour. À la chronique. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Et on aura en deuxième demi-heure, restez avec nous, Claude Veillancourt, le président d'Attaque Québec, auteur de quelques ouvrages dont on vous donnera les détails, des ouvrages sur le libre-échange et autres sujets des plus intéressants. Il sera conférencier aux Amis de la Terre cette semaine, le 7 décembre, au soir, au Centre Frédéric Bach. Donc, si vous voulez donner un peu le goût d'y aller, de venir nous voir, les Amis de la Terre, rencontrer les gens d'Attaque Québec aussi, parce que c'est une des rares activités qu'Attaque Québec organise dans la région de Québec. Donc, ce sera une façon de questionner le président d'Attaque Québec, Claude Veillancourt. Restez avec nous. On parlera aussi, donc, du sujet de la conférence. Est-ce qu'il y a un lien entre les accords de libre-échange et les accords liés à l'environnement? Donc, on en reparle de ce sujet. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre autres, l'accord de Paris et les accords de libre-échange comme l'ALENA? Peut-être avez-vous entendu parler de cet accord transpacifique qui bat de l'aile depuis l'élection de Donald Trump, le président élu des États-Unis d'Amérique, remet en question les ententes de libre-échange, qui est peut-être une bonne ou mauvaise nouvelle. En tout cas, on va questionner des gens qui connaissent ça, qui ont écrit des livres là-dessus. Mais Étienne, vraiment, c'est le temps de parler du Brexit encore. Oui, moi je voulais vraiment parler de l'Angleterre parce que on s'est beaucoup intéressé au sujet de Bernie Sanders, de sa campagne. Je dirais que les gauchistes au Canada, mais aussi un peu partout au monde, avaient tendance à regarder du côté des États-Unis pour suivre l'exemple de Bernie Sanders, qui a eu une campagne très impressionnante, qui a beaucoup recruté de jeunes au Parti démocrate. Mais il y a une autre figure de gauche dans le monde anglo-saxon qui mérite notre intérêt. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'il mérite notre intérêt bien plus que Bernie Sanders. Et c'est l'actuel chef du Parti travailliste, le Labour, comme il l'appelle, anglais, qui s'appelle Jeremy Corbyn. Parce que lui a réussi à prendre la chefferie de son parti. Et vraiment, que ce parti-là, non seulement les intentions de vote montent, mais il arrive à recruter des centaines de milliers de nouveaux membres ou on pourrait dire de membres déçus qui avaient quitté et déchiré leur carte et qui reviennent en masse. C'est vraiment un mouvement très intéressant à voir. Surtout que l'Angleterre a tendance à être avant-gardiste. Souvent, les mouvements commencent en Angleterre. Là. Je parle pas juste de la musique là ici. Je parle des mouvements politiques, par exemple, Thatcher, qui est arrivé dans les années 70. Le néolibéralisme a pris racine d'abord à Londres. Ouais, mais attention, ça, c'est peut-être juste parce que j'ai eu la chance d'étudier à l'ENAP, mais semble-t-il que Thatcher a copié ce qui se faisait en Nouvelle-Zélande. Mais c'est le Thatcherisme qu'on connaît aujourd'hui. Mais déjà, la Nouvelle-Zélande avait malheureusement fait de l'austérité ce qu'on a connu par la suite, finalement, c'est Thatcher qui l'a fait connaître à travers le monde. Hein. Cette façon de gérer l'État. Oui, c'est ça. Je pense que l'Australie aussi, dans le temps de la Grande Dépression, avait tendance à avoir des mesures dans ce type-là. Sûrement. Mais c'est ça. L'Empire britannique, de toute façon, est champion là-dedans. C'est ça. Sous plusieurs formes, on l'a vu à travers l'histoire, mais lorsque ça s'est, disons, concrétisé dans une idéologie qui vraiment faisait tache d'huile et conquérait tous les politiciens partout. Mais de fermer des ministères, là, puis de fermer... Ça s'est fait en Nouvelle-Zélande avant, mais ça s'est ça s'est mieux fait en Grande-Bretagne, même si c'était des mauvaises façons de faire, tant qu'à moi. Ben, c'est ça. La figure de Thatcher a vraiment exercé un tournant. Ah, oui. C'était un grand pays européen. Main de fer dans un grand velours. Exactement. La dame de fer, comme on l'appelait là-bas. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est plus encourageant d'avoir un mouvement de gauche et de ce monsieur-là, Jeremy Corbyn, qui est un parlementaire. Ben, d'abord, vu que je mentionnais Bernie Sanders, on peut peut-être faire des comparaisons entre les deux. Ben oui. D'abord, on peut remarquer qu'ils sont très âgés et qu'ils ont eu une longue carrière dans leur parlement, l'un aux États-Unis, l'autre en Angleterre. Et moi, j'avais lu, j'arrive pas à me souvenir où, qu'en gros, ces deux personnages-là étaient des survivants. Parce que du fait qu'ils ont eu une longue carrière, on peut comprendre qu'ils ont réussi, qu'ils ont cette intelligence-là, peut-être tactique ou cette ruse-là, de survivre alors que leur propre parti de gauche, entre guillemets, là, aujourd'hui le parti démocrate aux États-Unis ou le Labour tout récemment, on pouvait difficilement dire que c'était de gauche. Alors ces messieurs-là ont réussi à survivre, des fois en arrière-ban, mais au moins à survivre avec les idées originelles du parti. Le seul vrai parti de gauche aux États-Unis, c'est le Parti vert, avec Dr. Gilstein, qui d'ailleurs se lève debout et conteste des élections et demande des recomptages à l'heure actuelle, ce que les démocrates auraient peut-être pu faire, mais quand même. Je pense pas que les recomptages vont vraiment donner des résultats différents, malheureusement, vu que c'est des États où le Parti démocrate avait trop mollement fait campagne. Là. Mais bon, on verra bien les résultats plus tard. Les prochaines Il y a peut-être un État là, qui a été gagné par 10 000 votes qui pourrait peut-être changer de bord. C'est ça, peut-être. Ça ne changerait pas le résultat du collège électoral. C'est ça. Alors, vraiment, ce qui a été le plus triste aux États-Unis, c'est la défaite de Bernie Sanders qui faisait sa course à la chefferie. Mais du côté anglais, c'est plus motivant parce que le candidat de gauche qui vraiment respecte les idées sur lesquelles le Parti travailliste a été fondé, les idées de gauche. D'ailleurs, c'est dans le nom, hein? C'est le Parti des travailleurs. Ben oui, ça me semble assez évident. Alors, on pourrait croire qu'il devrait travailler pour le bien des syndicats et des travailleurs. Ça semblait moins évident ces dernières années. Eh bien, lui, il arrive avec les bonnes vieilles idées de gauche, les mêmes qu'il prône depuis des décennies, sans changer. Et tout à coup, ça cause une effervescence en Angleterre où les jeunes écoutent le discours qui n'est pas nouveau. Loin d'être nouveau. Là, le lien avec Bernie Sanders. C'est des idées, j'utiliserais pas le mot des vieilles idées, c'est simplement des idées qui marchaient et qui étaient motivantes jadis. Alors, on les garde, on les entretient, cette petite flamme des débuts du parti, et les jeunes, les nouvelles générations, entendent ce message-là et adorent, finalement. L'altermondialisme. Oui, et surtout... on parle de générations qui ont grandi ou qui sont nées dans le néolibéralisme. Alors, ils ont connu un État qui ne les aide pas. Alors, quand on leur dit l'État peut faire quelque chose pour vous, on a l'attention des gens. Et vraiment, ça se voit dans les chiffres là, pour ce qui est de Jeremy Corbyn. Oui. Depuis qu'il est chef, il y a des nouveaux adhérents et beaucoup qui avaient quitté le parti quand le parti travailliste avait voté pour aller attaquer l'Irak en 2003. Mm-hmm. Les gens avaient été dégoûtés par cette invasion-là d'un pays souverain. Alors, ils avaient quitté le parti travailliste. Eh bien, ils y reviennent. Le membership avait fondu. Et là, on parle de 116 000 personnes qui rejoignent le parti pendant la course à la chefferie. Du moment que Corbyn dit « je vais me lancer ». On a 116 000 personnes qui rejoignent pour célébrer ça. Et lorsqu'il a été confirmé chef, 80 000 autres membres reviennent d'un coup, ou nouveaux membres. Alors vraiment, il permet à son parti de faire le plein de membres, et ces membres-là sont jeunes. Puis est-ce de gauche. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a un lien avec l'Écosse? Est-ce qu'on voit aussi cette évolution, ces changements en Écosse? Parce que, me semble-t-il, là, je ne vais pas enlever tout le sentiment nationaliste écossais qui a failli en arriver à la fondation d'un pays par référendum. Mais me semble-t-il que le mauvais travail du Parti travailliste en Grande-Bretagne a peut-être provoqué des sentiments anti-Londres qui a fait en sorte que si le référendum a failli passer, c'est non seulement le sentiment nationaliste des Écossais qui date de plusieurs centaines d'années, mais aussi la réaction au mauvais travail des travaillistes. Oui, parce que les travaillistes, sous la triste période Tony Blair, les travaillistes ont vraiment trahi tout leur engagement. Parce que ce qui est intéressant, c'est lorsque vous voyez un terme et que quelqu'un décide de mettre au début « nouveau » ou « néo », normalement, ça veut dire que ça va trahir le mot qui suit. Le néolibéralisme. C'est ça. Alors, c'est un bel exemple. Et lorsque Tony Blair est arrivé, lui, il a dit « I'm the new labor ». Je suis le nouveau parti travailliste. Ça voulait dire quoi? Il allait trahir ce qui était le bon vieux parti travailliste depuis longtemps. Mm-hmm. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est il a très bien fait son travail de trahison. Et l'Écosse s'est dégoûtée et... lorsqu'on parle de l'année actuelle, là, 2016, mm-hmm. Je dois dire que quand j'ai parlé des nouveaux membres qui affluent grâce à Jeremy Corbyn, eh bien, en Écosse, il n'y en a pas essentiellement. Ah bon? Alors, ce mouvement-là se limite au reste du Royaume-Uni, mais lorsque vous voyez la frontière nord, là où débute l'Écosse, ça s'arrête là. Parce que donc, il faut comprendre, c'est qu'en Écosse, un peu comme au Canada, les indépendantistes écossais ont des sièges au Parlement fédéral, l'équivalent, même si ça s'appelle pas comme ça là-bas. Donc, ces élus écossais indépendantistes à Londres ont remplacé des comtés qui étaient occupés par les travaillistes. C'est ça, les travaillistes étaient très forts en Écosse, mais c'est un passé lointain qu'on peut dire mort et enterré. Puis même chez les jeunes, non? Et non, Jeremy Corbyn enthousiaste les Anglais. Mais pas les Écossais. Les Écossais, c'est intéressant. Au moment où on se parle, c'est devenu un bloc qui vote de la même manière, qui vote contre le Brexit, qui boude le Labour et qui vote indépendantiste. Alors, moi, je peux dire que je suis confiant qu'on va voir une Écosse indépendante sous peu. C'est triste à dire pour un indépendantistes québécois comme moi, là. Eux vont avoir leur pays bien avant le nôtre. Ah, ben ça... Quoi qu'en politique, là, en 6 mois, il peut s'en passer des choses. Oui, c'est sûr. Mais à moins que Jean-François Lisée soit vu, là, pour te paraphraser, comme étant un néo-péquiste. Oui, ben c'est ça. D'ailleurs, qui trahit la péquisterie. C'est ça. D'ailleurs, la gauche efficace, hein, c'est encore coller un mot à la gauche. Ouais. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est une trahison de la gauche. C'est peut-être un néo-péquiste de lucide. Ah oui, lucide, oui. On en a des termes ici. Mais donc, quand sont les prochaines élections? Est-ce qu'on doit commencer à voir poindre un gouvernement de gauche en Grande-Bretagne? J'ai pas l'année sous les yeux, mais... C'est aux 4 ans, en tout cas. Oui, c'est ça. c'est ça. Bon, ben les conservateurs ont encore gagné à nouveau en 2015. Alors, si on rajoute 4 ans, c'est encore dans un bon petit bout. Bon, on a le 2019. Temps de voir l'eau couler sous le pont de Londres. Alors, c'est ça. Jeremy Corbyn a le vent dans les voiles. Il doit faire un bon travail de terrain pour garder ces nouvelles troupes qui sont venues. Et je pense qu'il fait un bon travail parce que lorsqu'on regarde le reste de l'Europe, la gauche va très mal. Hein? Jeremy Corbyn est une exception. Lui et, de ce que j'ai lu, les socialistes les portugais. Les Grecs, peut-être? Ah, les Grecs... Ça, c'est un cas à part. ne partez-moi pas sur la Grèce. Ça, c'est un sujet d'émission. C'est ça. Donc, c'est vraiment... En Angleterre et au Portugal, c'est assez motivant. Et la raison, c'est... La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Hein? Quelle est la différence des Anglais? Eh bien, c'est qu'ils vont à gauche. Hein? Là où tous les gauchistes, que ce soit François Hollande en France ou dans les pays autour, disent « on va mettre de l'eau dans notre vin jusqu'à ce que ce soit transparent, sans goût, mm-hmm. Sans couleur », eh bien, les Anglais et les Portugais prennent la décision inverse. Il faut aller à gauche, plein gauche. Ouais. Quoique en Autriche, on avait un gouvernement élu, un président élu vert, mais l'élection était contestée par l'extrême droite. Et il me semble que c'est cette semaine, peut-être même aujourd'hui, là, qu'on va voir, ou demain dimanche. Je pense que c'est dans un ou deux jours, mais c'est cette semaine. Qu'on va voir les résultats du recomptage. C'est ça, le recomptage, c'est parce que le président vert a gagné, je pense, avec une avance assez minuscule de 10 000 voix, et les gens ont ouvert les cargaisons de billets de vote. Avant l'heure. Avant l'heure, alors. Mais ce qui se faisait depuis toujours. Oui, mais... Ah oui, ça se faisait depuis toujours. Comme ici, on le fait, le vote par anticipation, et ça, c'est ouais. dont il est question. Les gens ont voté une semaine avant, donc est-ce qu'on on compte quand le scrutin ferme à 8 heures ou on peut compter à partir de 6 heures? Ça se fait ici, le DGE permet habituellement, à partir de 6 heures ou 7 heures au maximum, de compter juste le vote par anticipation pour qu'à 8 heures, on puisse voir justement quand... ouvre les ici on dirait l'émission de Bernard de Rome c'est ça, mais... pour qu'on puisse annoncer au moins les votes par anticipation. Ce dont on a vu d'ailleurs aux États-Unis le soir de l'élection présidentielle, c'était que les votes par anticipation qui sortaient. Mais donc l'extrême droite, juste parce qu'ils voulaient recompter, ont prétexté que des gens s'étaient mis à compter avant l'heure du vote, mais c'était les votes par anticipation. Et ce que j'ai lu, c'est qu'on avait fait ça dans toutes les élections précédentes. Mais évidemment, c'est qu'on pourrait faire ça la même chose. Et si c'est pas écrit carrément dans la loi électorale, un parti politique pourrait, ici même au Canada, contester le fait qu'on a commencé à compter avant la fermeture des scrutins généraux. Mais on n'a pas encore parlé de Brexit. Veux-tu qu'on le fasse après notre petite pause musicale qui nous met dans le bain de l'hiver? Oui, commençons par la musique. Attache ta tuque avec la broche. Chérie, l'hiver va être tough cette année. C'est fini le temps des brioches. On mange de la misère pour souper. Faut que je fasse poser mes pneus d'hiver sur mon bazou couvert de rouille. Avec le gaz qui est toujours plus cher, ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles. Joue dans le trafic à tous les matins, avec des millions d'êtres humains qui se battent pour un pouce d'autoroute, sans trop se demander ce qui est au bout. Tout seul au fond de leur voiture, chantonnant des balades FM, sachant comme moi que la vie c'est dur, mais qu'il faut continuer la game. Bon, merci, un accident de troc et ça roule par choc à par choc. Un gros chute métropolitain, jamais ben raide au quotidien. Le gars qui se fait barrer de chemin, klaxonne en brandissant son poing. Comme un lion au fond d'une cage, poigné dans les embouteillages. Allez, honnête, les citoyens qui rêvent de plage et de clumette. Au milieu de l'hiver canadien, pas de boulot et le seul remède. Mais soyez quand même aux aguets, car le burn-out vous court après. Tu travailles trop, mon petit chemin, tu vois même pas ta vie passer. La terre entière carbure au fric, ça a l'air qu'on n'est pas tant gamique. Parce que dans le monde des gens importants, y'a pas grand place pour les perdants. Ils se contentent de nous balancer à tous les heures du jour ou de la nuit. Toutes leurs conneries de publicité, pis ce qu'ils ont à nous vendre comme bullshit. En stationnement des centres d'achat, c'est encore le branle-bas de combat. Des chars à 1 000 à la ronde, pis des magasins noirs de monde. Le Père Noël vient débarquer, on n'est même pas à mi-novembre. Le petit Jésus doit être déprimé, les vendeurs sont revenus dans le temple. Payez plus tard, achetez maintenant Interac ou Argent Comptant, Visa, American Express. J'en dose même les chèques de pièces. Suis le marchand de cochonnerie, le vendeur de rêves à bas prix. American Dream en personne, c'est pas cher pour avoir du fun. Allez, entrez donc par un rôle ou pour acheter une belle bagnole. Pas d'intérêt pendant un an. Puis donc, issue des sièges chauffants, vos biplates seront transformés par mes illusions emballées. Si jamais t'es pas content, ici qu'il n'y a pas de remboursement. J'loue ma vie à un employeur, à coup de journée pis de coup de sueur. Quand j'pense qu'on fait toute la putain pour pouvoir se payer des cossins. Ils se rendent compte qu'un petit rien tout neuf, ça rend pas le cœur plus joyeux. Parce que le bonheur de toute façon s'achète pas d'une boîte de carton. Sauf que devant mon verre de bière vide, ma gorge est une terre aride. Ça prendrait donc un petit remontant pour faire Eh oui, l'hiver approche, puis le Père Noël vient de débarquer. Mm-hmm. Si jamais vous voulez rire du Père Noël, je devrais peut-être pas dire ça, parce que dans le fond, j'ai été invité comme conférencier par la Société d'histoire de Sellery le 11 décembre prochain, donc dimanche de la semaine prochaine, au Centre communautaire Noël Brûlard sur l'avenue Chanoine Morel, à 14h. Je fais une conférence. Vous, c'est écrit 14h. Je pensais que c'était 13h, en tout cas. Moi, je vais être là à partir de 13h. Une conférence que j'ai intitulée « De Saint-Nicolas de Myre » à Santa Claus de Coca-Cola. Si vous pouvez lire entre les lignes, c'est que je vais parler de l'origine là, de Saint-Nicolas, là, qui a donné son nom à Santa Claus, ou le Père Noël d'aujourd'hui, habillé en rouge. Ben, ça vient de Saint-Nicolas, qui était en Turquie, en Myre, c'était une ville en Turquie. Puis par hasard, quand j'étais en Turquie, je suis passé par là, je me suis retrouvé sur le trône du vrai Père Noël, autrement dit, le siège de l'évêque de Myre, en Turquie, et j'ai sorti des vieilles photos de ça, et je vais parler de quelle est la vraie tradition qui, le 6 décembre, hein, ça s'en vient bien, c'est à ce moment-là, la fête de Saint-Nicolas, où, comme descendant d'une famille riche, donnait des cadeaux aux enfants du coin, donc cette tradition qui était tellement commercialisée qu'on peut voir aujourd'hui, ce Père Noël bien en rouge avec la fausse barbe là, qui vient, entre autres, des publicités Coca-Cola, mais c'est pas juste ça, il y a d'autres origines aussi de cette fête qui est maintenant plutôt commerciale que de grand partage. Donc, on vous souhaite du grand partage dans le temps des fêtes sans nécessairement aller dépenser votre argent dans les centres d'achat. Il y a d'autres façons de faire et ça... Ben, je vous invite à aller sur le site du groupe de simplicité volontaire, gsvq.org, où en page d'accueil, on vous montre toutes sortes de façons de partager, de faire un Noël simplicitaire qui vous coûtera rien. Que ce soit pour vous désencombrer, sortir vos vieux livres que vous n'utilisez plus, mais les donner, ou de donner des cadeaux en temps. Vous êtes grands-parents, allez à la bibliothèque du coin avec vos petits-enfants. Peut-être qu'ils sont jamais allés à la bibliothèque du coin, ils connaissent juste la bibliothèque de leur petite école primaire, alors qu'il existe des vraies bibliothèques avec plein d'activités gratuites dans les bibliothèques. Vous pouvez emprunter des livres au lieu de les acheter. Alors, toutes sortes de petits trucs de même que je vais donner, mais tout en faisant référence à l'histoire et aux vieilles traditions de partage du solstice d'hiver. Hein? Ouais. Mais revenons à nos moutons, Étienne Blondeau. Je suis content que tu sois là, parce que là, on a beaucoup entendu parler du Brexit, puis devant, du fait que la Grande-Bretagne, une gang de séparatistes. Oui, ben c'est ça. Moi, le Brexit, j'ai quand même adoré, parce qu'encore une fois... le peuple s'est fâché contre et a contredit tous les sondages. D'abord, je continue de trouver ça très drôle à chaque fois. Et a décidé que la souveraineté, vraiment l'indépendance, garder ses pouvoirs entre ses propres mains, passait avant tout. C'est pour ça que moi, ça a été la plus belle surprise. Ça a fait mon été. J'ai été heureux tout l'été grâce au vote Brexit. C'est sûr qu'il y a des banquiers ou des bureaucrates à Bruxelles que ça a gâché leur été. J'ai pas tendance à pleurer pour ces gens-là. Ah ben là. C'est ça. Et bon, toutes les raisons sont bonnes pour sortir de l'Union européenne de toute façon. C'est sa conception, ça a été faite par les banquiers pour les banquiers. Et toute leur réglementation, leur loi, c'est généralement par les lobbyistes pour les lobbyistes. C'est pour ça que Les Anglais, je sais pas à quel point ils ont considéré la question de près et pesé le pour et le contre, mais les Anglais ont choisi le nationalisme finalement, la souveraineté, garder les pouvoirs entre leurs mains, c'est assez motivant. Et dans le cas du Parti travailliste, dans le cas de Jeremy Corbyn dont je parlais, lui, il était, il a milité mollement un peu, mais pour le Remain, pour rester dans l'Union européenne, parce que, ben, par principe, parce que son parti a voté, nous sommes officiellement pour que l'Angleterre, le Royaume-Uni reste. Alors lui, il a défendu cette position-là, même si évidemment, étant donné ses idées de gauche, il pouvait pas apprécier une Bruxelles néolibérale. Hein. C'est ça, malheureusement. Malheureusement pour lui, ses espoirs de voir une Europe réformée qui tournerait à gauche et qui aiderait les États à subvenir aux besoins de la population, ça n'arrivera jamais. Le carcan européen n'est pas conçu pour aider les peuples, il est conçu pour fermer les cordons de la bourse, là, pour donner le moins d'argent possible aux États pour qu'ils fassent leur travail. Un peu comme la Fédération canadienne, on parle de déséquilibre fiscal. Hein? Le centre garde l'argent pour lui, les provinces en voient rarement la couleur de cet argent-là. Je dirais qu'on peut comparer avec l'Union européenne. Mais oui, quand on tourne aux origines de ces unions, hein, si on parle de la Confédération canadienne, bien sûr, on a voulu construire un chemin de fer d'est en ouest, mais on voulait surtout lutter contre le libre-échange entre les États-Unis et le Canada, en fait. Faire du commerce est-ouest puis faciliter ça, alors que le commerce naturel était nord-sud, entre les Bostonais et les Montréalais, quoi. Et en Europe, à l'origine... ben en fait, c'était très commercial. C'est quoi? C'était les gens du charbon puis de l'acier qui ont voulu faire du commerce ensemble. Donc, c'est comme les multinationales du temps qui ont dit, bon, on va essayer de s'entendre pour... Puis, il y a aussi peut-être un petit côté pacifiste. On voulait éviter des grandes guerres, mais... Oh, ça, c'est pas un grand succès parce qu'aujourd'hui, en 2016, demandez à un Allemand, vous l'arrêtez dans la rue, que pensez-vous des Grecs, cher monsieur? Beaucoup de mal qui va vous répondre. Vous allez à Athènes, prenez un grec, vous l'arrêtez dans la rue. Que pensez-vous des Allemands, mon cher monsieur? Encore plus de mal que l'autre. Alors, vous voyez, la paix est en train de j'ai l'impression que c'est ce carcan-là, ce système-là de l'Union européenne qui affame essentiellement les peuples plutôt que de leur donner les budgets dont ils ont besoin. Puis c'est un club de chrétiens quand tu y penses, les unions, parce qu'avec tous les efforts que la Turquie a pu faire pour adhérer, dans le temps que ça aurait été possible et intéressant, est-ce que la Turquie, ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été refusée de joindre l'Union européenne à cause des Grecs? Mais en tout cas, ça, c'est une vaste question. On pourrait faire plusieurs émissions là-dessus, mais essentiellement, c'est un club de multinationales chrétiennes. C'est ça. C'est l'essentiel, c'est d'avoir une seule adresse civile à Bruxelles pour que tous les lobbyistes puissent se concentrer et amener leurs enveloppes brunes sans trop se perdre et sans trop perdre de temps. Alors, on en a des grains de sable dans... Ça fait une émission. Je pense qu'on n'a jamais autant de grains de sable dans la même émission. Là. moi, je j'ai jamais aimé l'Union européenne une seule seconde. C'est une autre preuve que le modèle fédéral marche rarement. Encore une fois, peut-être qu'on sera d'accord, je te propose ça. Est-ce que le fait d'avoir facilité les échanges entre personnes, autrement dit d'avoir un passeport européen, faciliter les personnes entre elles, les échanges entre personnes, ça, c'est peut-être un côté positif de l'Union européenne? Je m'y connais moins sur le dossier des passeports, mais je sais qu'au niveau scientifique surtout, et éducatif, ça, c'est intéressant parce que les échanges d'étudiants sont fréquents, sont nombreux. Il y a des projets scientifiques, on met des budgets en commun, on partage les expertises. Il y a des projets qui peuvent se faire dans plusieurs pays en même temps. Vraiment, cette concentration-là des forces d'intellectuels, de scientifiques, ça, c'est intéressant. Mais en même temps, des nations indépendantes, comme le sera éventuellement l'Angleterre, peut continuer de déterminer des budgets pour la science et faire des projets de partenariat s'il le veut. Comme par exemple la fusée Ariane, là, un bel exemple de technologie européenne. C'était avant l'Union européenne. Pas besoin de bureaucrates à Bruxelles pour dire quoi faire. Les pays ont les idées, ont les procédés. parlent ensemble et le bâtissent. Ça, c'est aussi vieux que le monde et ça peut continuer à se faire sans s'enchaîner à une monnaie là, comme l'euro qui gâche toutes les économies. Puis c'est vrai que dans le fond, quand on regarde l'Union européenne, on pense beaucoup à ce qu'on pourrait dire... faut faire attention à ce qu'on dit. Des fois, on n'est pas dans un salon, on est à radio, mais... on va prendre une pause. Ouais. Je vais plutôt citer quelqu'un qui va être avec nous après cette pause publicitaire. Quant au gouvernement du Canada, le fait qu'il refuse d'admettre que l'ASCG, autrement dit l'accord économique commercial global, ce qu'on a appelé communément le libre-échange entre l'Europe et le Canada, alors l'ASCG est incompatible avec l'accord de Paris et la lutte contre les changements climatiques est aberrant. Qu'on nous vende cet accord comme étant progressiste l'est tout autant, à moins que le progrès soit de tout sacrifier aux intérêts des multinationales. Claude Vaillancourt, restez avec nous. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. CKRL 89.1. Quiz aux bénévoles de l'Opération Les Rouges. Décrivez ce que vous entendez. Allô, nez rouge. Comptable. Blond. 5 pieds 9. Familial rouge. 4 cylindres. 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech. 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Contre toute attente, en 1978, à la veille de réussir son pari de faire une carrière internationale en français... À ne pas manquer sur la fabrique culturelle... La série Écoute tes classiques est de retour en force et vous présente quatre carrières ou albums marquants de la chanson populaire au Québec. C'est alors que la musique d'harmonium était presque mystique. Le 40e anniversaire de la parution de l'heptade d'harmonium. Donc, si on fait le calcul rapidement, en 3 ans seulement, harmonium est devenu le groupe de l'heure au Québec. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les Chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30 avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. Pièce par pièce, qu'est-ce que c'est? C'est le blog de la designer Émilie Bouchard-Jean qui démontre que le design d'intérieur peut être un jeu. C'est un service à la clientèle basé sur le partage créatif, la motivation, la souplesse et l'ouverture. C'est aussi des événements et des ateliers pour prendre confiance en soi et s'amuser à créer son intérieur sans souci. Pour en savoir plus, visitez pièceparpièce.com. Les bouquins d'abord sortent en ville. Venez assister à l'enregistrement en direct de l'émission du 5 décembre à la librairie Pantoute, 1100 rue Saint-Jean. Barbel Rink reçoit en entrevue Geneviève Pigeon des éditions L'Instant Même. Les chroniqueurs Marianne Fourcodeau et Gilles Chaumel parleront respectivement de recueils de nouvelles et d'essais, alors que les libraires de chez Pantoute présenteront leur coup de cœur. C'est un rendez-vous dès 18h30 sur place ou sur les ondes du 89.1. Bonjour, Claude, es-tu avec nous? Oui, bonjour, Jean. Oui, merci d'être avec nous. C'est vraiment un privilège que le président d'Attaque Québec soit avec nous cet après-midi. Juste avant que tu viennes nous visiter, quand est-ce que tu vas arriver à Québec? Là, je sais que mercredi soir, tu es au Centre Frédéric Bach, invité oui, par les Amis de la Terre. Oui, j'arrive mardi prochain. Bon, écoute, on espère qu'on aura la chance de se rencontrer. En tout cas, moi, on m'a offert d'animer la soirée, donc je serai là pour t'aider à animer cette soirée. On attend les gens donc au Centre Frédéric Bach, mercredi prochain à 19h15, on commence, mais arrivé un petit peu avant, c'est toujours intéressant. Il y aurait, j'imagine, la documentation d'Attaque Québec sur place là, pour qu'on puisse acheter quelques revues, quelques documents, quelques petits guides très utiles. Oui, tout à fait. Oui, il y aura ça. Donc, on sera là. Nous aborderons donc aujourd'hui, Claude, si vous voulez bien, pour commencer, le sujet de votre conférence qui a comme titre l'incompatibilité du libre-échange et de l'environnement, soit l'ALENA, la ECG, le PTP, on donnera plus de détails sur ce que c'est au juste, mais ces grands accords économiques internationaux constituent des règlements supranationaux, donc au-dessus des États. On veut comme créer des États au-dessus des États. Mais comment peut-on prétendre que ces accords-là verrouillent la liberté d'action des gouvernements? Oui, ben il y a trois façons. Premièrement, ben dans ces accords-là, il y a absolument rien sur l'environnement. Hein? Alors souvent, ben parfois il y a des accords parallèles ou des chapitres sur l'environnement, mais il y a aucune contrainte. Donc ça veut dire que si on signe un accord commercial, eh bien toute la question de l'environnement est laissée à la bonne volonté des entreprises et des gouvernements qui, s'ils veulent faire quelque chose, ben sont encouragés, mais s'ils veulent rien faire, ben sont encouragés aussi. Et je dirais même c'est plus dangereux, il y a plus de chance qu'ils fassent rien, parce que en fait, les compagnies ont le pouvoir de poursuivre les gouvernements. C'est-à-dire, si on veut passer une loi environnementale qui va faire baisser les profits d'une compagnie, bien, la compagnie peut poursuivre le gouvernement ou peut se servir de ces tribunaux-là pour faire du chantage. En disant au gouvernement, si vous passez telle loi, eh bien, à ce moment-là, on va vous poursuivre. Et la troisième chose, c'est que évidemment les accords de libre-échange, ça encourage le plus possible des échanges internationaux avec l'obsession du coût le plus bas possible. Alors ça veut dire qu'on va déménager des marchandises en grande quantité sur des milliers de kilomètres. Ça veut dire beaucoup d'hydrocarbures pour faire déménager tout ça. Alors plutôt que de favoriser les circuits courts, ce dont on a besoin absolument, mais le libre-échange ça encourage, mais vraiment fortement les circuits longs, donc le gaspillage de pétrole et d'autres sources d'énergie. Donc, on peut voir que pour toutes ces raisons-là, là, ça va vraiment pas ensemble. Mais on a vu l'exemple de la Wallonie, là, que le ministre-président Paul Magnette s'opposait. On pensait qu'il y avait eu des victoires de sanctions sur ce gouvernement sub-nationals, un État fédéré à l'intérieur d'un État. Mais on a vu les efforts qui ont été faits, mais ça n'a pas donné grand-chose finalement. Parce que la Wallonie, l'opposition de la Wallonie, ce que ça a donné, c'est premièrement de faire connaître les problèmes de cet accord de libre-échange. Hein, parce qu'on s'en allait vers une espèce de grande messe là, le 27 octobre où tout le monde aurait chanté la gloire des accords de libre-échange. Et là, vous savez, cette petite région européenne, la Wallonie, c'est quand même pas très gros, qui s'oppose aux accords de libre-échange, qui le fait publiquement et qui le fait pour des très, très bonnes raisons. Alors, la question de l'environnement a été soulevée, la question du travail, la question du pouvoir des multinationales, toutes les la question du secret aussi, toutes les objections qui ont été soulevées par la Wallonie sont des objections justes, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à ce qu'on a fait dans l'attaque. Alors évidemment, un petit pays face aux intérêts du Canada, de l'ensemble de l'Europe, face à des gouvernements qui sont en faveur du libre-échange, face au Parlement européen qui est en faveur du libre-échange, eh bien, ils ne pouvaient pas tenir très, très longtemps. Mais ils se tiennent pas battus pour autant. Ce qu'ils veulent actuellement, ce que la Wallonie cherche toujours, là, c'est demander que de voir si les tribunaux d'arbitrage qui se trouvent dans l'accord correspondent à au droit européen. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas incompatibilité entre ce qu'on essaye de mettre dans les accords et ce qui se trouve dans la Constitution de l'Union européenne? Alors, la jurisprudence nous dit que c'est incompatible. Donc, on ne peut pas dire que la Wallonie a lâché complètement, là, mais c'est sûr que pour eux, c'est extrêmement difficile de maintenir une opposition envers et contre tous. J'ai eu la chance de rencontrer un des négociateurs, justement, avec les Européens et les Canadiens. Et semble-t-il que une des avancées du ministre-président Magnette était d'avoir exigé que le fameux tribunal d'arbitrage ne soit pas entre les mains d'avocats du privé, mais plutôt de futurs avocats du public à sélectionner. Oui, c'est ça. En fait, c'est c'est la réponse qu'on a donnée à la Wallonie, puis aussi pas juste à la Wallonie, à tous ceux qui dénonçaient ces tribunaux d'arbitrage. Ce qui est une très mauvaise réponse, finalement, parce que il y a deux problèmes qui restent. Premièrement, c'est qu'il y a seulement les entreprises multinationales qui peuvent poursuivre, hein, donc c'est un tribunal à sens unique. Donc, les gens ont tout à fait avantage à les juges qui sont là à trancher en faveur de ces multinationales s'ils veulent avoir d'autres causes. Hein. Donc, il y a ça. Et le deuxième problème aussi, c'est que ça donne aux investisseurs étrangers des privilèges plus grands que les entreprises qui sont sur place ne peuvent pas profiter de ces tribunaux-là. Les citoyens eux-mêmes. C'est vraiment discriminatoire à la base. Et en plus de ça, comme l'accord avec le Canada et l'Union européenne couvre plus de secteurs que tous les autres accords négociés avec le Canada, ça veut dire que le champ d'action de ces tribunaux va être plus grand que jamais. Donc, on a beau changer, dire, oh, les juges, ils seront plus de la même origine, ça va être des gens qui feront juste ça dans la vie, qui seront pas choisis par les multinationales, mais dans le fond, ça change pas grand-chose, là. Ça règle pas les problèmes de base. Et en plus, ce négociateur-là que je n'ai pas le droit de citer, parce que c'est une entente, qu'on va dire pas hors cours, mais une entente tacite, puisque je suis un journaliste qui ne devait pas assister à une conférence qui était réservée à des fonctionnaires, et cette personne-là a voulu en faire une exigence de ne jamais être citée publiquement. Mais donc, si je ne dis pas c'est qui, je peux en parler, qu'est-ce que t'en penses? il disait que, dans le fond, ces postes de juges vont être à 70 000 euros par année. Oui. Alors, il faut d'ores et déjà, et je ne sais pas si Attaque Québec ou Attaque France ou les autres attaques à travers le monde peuvent aider à nommer des juges qui accepteraient à travailler à 70 000 euros par année, alors qu'un avocat, là, ceux qui avant agissaient comme juge d'un tribunal fantoche pour les multinationales, eh bien, eux font peut-être ça par mois ou peut-être même, dans certaines circonstances, par mandat ou même par semaine. Alors, semble-t-il que ce serait très difficile de trouver des juges compétents, reconnus, parce que c'est quand même un petit club fermé, ces avocats-là là, qui sont spécialistes, qui connaissent les accords de libre-échange autant que vous ou d'autres spécialistes d'Attaque France ou de d'autres ONG qui s'intéressent au libre-échange d'une manière citoyenne, si on peut dire. Oui, mais ça reste une entreprise extrêmement payante pour des bureaux d'avocats. Là, on parle pas des juges, mais les causes durent plusieurs années. C'est des causes qui sont extrêmement complexes, qui nécessitent un personnel très, très large. Et souvent, c'est quand même assez impressionnant de voir des décisions, c'est-à-dire on dit des années de délibération pour des décisions qui sont quand même assez, disons, un peu surprenantes. Là, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais tout ça pour dire que c'est une industrie comme telle là, que cet arbitrage, que ces tribunaux d'arbitrage. Hein. Alors, quand on pense, je ne sais pas, il y a une cause, par exemple, entre l'Australie et Philip Morris, qui a duré quelque chose comme 3-4 ans, qui a coûté des millions de dollars aussi bien à l'Australie qu'à Philip Morris. Donc, ça prouve à quel point les pressions sont très, très fortes de la part des cabinets d'avocats de droit international pour que ça se maintienne dans les accords de libre-échange parce qu'eux, ils font tout simplement des fortunes avec ça. Alors, on pleurera pas trop sur le sort des juges qui sont mal payés. Parce qu'il y en a d'autres qui en profitent. Non, mais en tout cas, au moins, on pourra essayer de commencer à essayer de trouver des avocats ou des juges issus du public qui pourraient éventuellement accepter de travailler à ces tarifs-là et qui soient vraiment impartiaux. Mais faisons le lien avec l'environnement parce que votre conférence de mercredi prochain fait ce lien qu'on fait rarement, hein, mais on a eu la chance de le faire à quelques reprises ensemble, entre l'environnement et ces fameux accords de libre-échange. Donc, si on se réfère à l'accord de Paris, dont je sais que tu connais bien, puisqu'on était ensemble à Paris à ce moment-ci de l'année dernière, et tu as eu la chance donc de voir, de rencontrer des gens qui étaient impliqués, assez d'améliorer ces accords universels qu'on souhaite, et d'ailleurs, même quand François Hollande a démissionné cette semaine, il s'en vantait que c'était une de ses grandes réalisations. Et peut-être dans l'histoire, on va reconnaître qu'une des grandes réalisations du quinquennat de François Hollande aura été cet accord universel de Paris. Mais est-ce qu'on règle des choses avec ça? Ben, quand on était à Paris l'an passé, il y avait, chez les environnementalistes, il y avait deux réactions. Hein. Il y avait ceux qui disaient, voilà, c'est formidable, conclure un accord comme ça. Oui, le marché du carbone. Assez impressionnant de pays. Et puis aussi la volonté de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius, c'est des avancées énormes. Il y en avait d'autres qui disaient, par contre, attention, cet accord-là est absolument pas contraignant. Alors, on a beau prendre des bonnes décisions, mais s'il y a rien pour appuyer ces décisions, s'il n'y a pas de menace qu'on peut brandir, ben à ce moment-là, ça donnerait rien. Ben là, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est en train de se confirmer. Donc, c'est malheureusement les prophètes de malheur dont j'étais, qui semblent avoir raison, parce que si on regarde le gouvernement du Canada, par exemple, on vient cette semaine là, de donner la permission de construire 2 oléoducs qui vont pouvoir augmenter de 30% la production, l'exportation du pétrole des sables bitumineux. C'est un chiffre énorme, là, quand on pense que le GIEC nous dit de garder 80% des hydrocarbures sous le sol. Donc, ça va tout à fait à l'encontre. Et évidemment, il n'y a rien qui peut empêcher le Canada de le faire. On observe aussi qu'aux États-Unis, Donald Trump veut relancer l'oléoduc Keystone XL. Il veut hausser la production de pétrole et de gaz de schiste. Donc, on s'en va exactement dans le sens inverse. Et il n'y a absolument rien qui peut empêcher ces pays-là, le Canada, les États-Unis, de procéder comme ceci. Et ça peut être un exemple, malheureusement, qui peut être suivi dans d'autres pays du monde. Et en plus de ça, ça va faire baisser cette grande protection du cours du pétrole, ça va faire baisser les cours, ça va le rendre le pétrole plus attrayant face aux énergies alternatives. Donc, on se dirige vraiment dans la mauvaise direction et c'est particulièrement inquiétant. Puis en plus, à l'époque où on avait ces arguments-là, Donald Trump n'était pas président désigné élu. Oui. On n'avait pas la possibilité que François Fillon soit le successeur de François Hollande ou Marine Le Pen, hein, c'est selon. Et il y a aussi des mouvements dans le reste d'Europe et dans le reste du monde. Comment vous voyez l'avenir de ces accords? Ben, c'est ça, moi. C'est François Fillon est très inquiétant aussi parce que lui, c'est quelqu'un qui se dit en faveur de l'énergie nucléaire, c'est quelqu'un qui est contre le principe de précaution. C'est surtout un néolibéral pur et dur. Ça veut dire que lui, les réglementations, il veut réduire ça au minimum. Donc, pour la France, ça semble aller assez mal. Bon, évidemment, il n'est pas élu président encore, mais on dit que ses chances sont quand même plutôt bonnes. Du côté des États-Unis, ben, je viens d'en parler, c'est quand même assez déprimant qu'un an après l'accord de Paris, après l'espèce de d'euphorie hein, qui en a résulté, parce qu'il faut le dire, eh bien, on se rend compte à quel point c'est on tourne en rond, je dirais même, c'est pas qu'on tourne en rond, c'est qu'on recule carrément. Alors ce qu'on aurait dû faire, c'est des avancées énormes. On aurait dû aussi annoncer des investissements dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est dans le domaine de la protection de l'environnement, ce qui serait très rentable d'un point de vue économique. Hein? Puis on voit qu'entre des intérêts économiques divergents, mais c'est toujours les bons vieux intérêts des compagnies pétrolières qui l'emportent sur tous les autres. Hein? Ça, c'est assez difficile à digérer. Mais pourquoi il est impensable de conjuguer une bonne protection de l'environnement avec ces accords? Il existe d'autres moyens, finalement? Ben, on voit ça, je pense que vous l'avez dénoncé souvent à l'émission, c'est tout le pouvoir des lobbyistes. Hein? Comment ça se fait que Trudeau a tranché en faveur de deux oléoducs? Ben, c'est très clair qu'il y avait les environnementalistes d'une part et il y avait aussi des grandes compagnies pétrolières d'autre part. Puis devant trancher entre les deux, il a choisi les compagnies pétrolières et aussi il a choisi, et ça c'est assez dangereux à mon avis, là, il a choisi les résultats immédiats. C'est-à-dire que c'est sûr que si on construit deux oléoducs et on exporte plus, ça va être bon à court terme pour l'économie canadienne, mais à long terme, c'est catastrophique, puis pas seulement pour l'économie canadienne, pour l'économie mondiale. Donc, cette logique de marché fait qu'on choisit toujours les résultats à court terme, mais qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, finalement. Et ça, c'est l'attitude du gouvernement Trudeau qui se dit, et qui se dit un gouvernement progressiste. Alors, imaginez des gens comme Trump, comme Fillon, qui se disent pas progressistes, alors à quel point, eux, les préoccupations environnementales seront secondaires. Hein. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est des reculs qui sont extrêmement inquiétants. Oui, je me souviens de Justin Trudeau à Paris, justement, hein, nouvellement élu. Canada is back. Oui, tout à fait. Hein, il s'est vraiment fait. Le Canada était très présent là-dedans, dans ce rendez-vous, des beaux discours environnementalistes. Mais ça semble un peu la façon de gouverner de Justin Trudeau. Hein. Il dit une chose, et puis finalement la réalité c'est le contraire. Toute la propagande autour de l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne tourne autour de purs mensonges. Hein, je pense qu'il faut dire, parce que ce qu'on nous dit, c'est un accord progressiste pour la classe moyenne, mais il n'y a rien de progressiste là-dedans. Et c'est la classe moyenne qui va subir les effets de cet accord, hein, puisque ça encourage les multinationales, ça peut encourager aussi la concurrence avec des grandes multinationales européennes qui vont pouvoir s'établir facilement ici. Donc, ça crée il y a une étude, par exemple, de l'université de Tufts aux États-Unis, qui est une étude très, très sérieuse et extrêmement bien faite, qui nous dit que cet accord, ça va causer des pertes d'emplois assez importantes, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas un accord pour la classe moyenne, et c'est surtout pas un accord progressiste, parce qu'il y a strictement rien de progressiste dans cet accord-là. Il y a rien pour les gens, il y a rien pour le filet social, il y a rien pour les services publics, il y a rien pour la protection de l'environnement. Donc, je m'excuse, mais progressiste, mon œil. Hein. Mais là, bon, pour ce qui est de la SCG, donc l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, est-ce qu'il est encore temps, est-ce qu'il est encore pensable ou il est impensable de pouvoir changer le cours de la rivière qui a de l'air à se rendre à destination? C'est très pensable, mais ça va pas se faire ici, malheureusement. Donc, c'est un peu dommage. Ici, le gouvernement essaye actuellement de faire un blitz où il veut ratifier l'accord le plus rapidement possible, et il fait quelques petites entourloupettes à la démocratie pour y arriver. Mais en Europe, il y a beaucoup d'espoir, parce que il faut que l'accord soit ratifié par les 28 pays de l'Union européenne, et il y a des régions aussi dans certains pays, comme la Wallonie, qui ont le pouvoir aussi de dire non à un accord. Alors, c'est une ratification parlementaire, mais par exemple, je sais que dans les Pays-Bas, actuellement, il y a une pétition qui circule, et si cette pétition réussit à avoir un nombre suffisant de signatures, ça veut dire qu'il va y avoir un référendum. Et s'il y a un référendum sur l'accord, bien, à ce moment-là, moi, je pense qu'il y a peu de chances de passer, parce que l'opinion publique, dès qu'il y a un débat sur cet accord-là, mais on se rend compte que c'est vraiment pas dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes. Si le Brexit a passé, vous en parliez tout à l'heure, alors imaginez cet accord-là qui est très, très contestable aussi, qui est très contesté en Europe. Et s'il y a un pays, je le disais tout à l'heure, donc s'il y a un pays qui refuse, comme les Pays-Bas, mais l'accord vient de sombrer. Des oppositions très fortes en Allemagne, par exemple, dans certains pays aussi, oui, d'Europe de l'Est, comme la Pologne. Oui. Donc, l'Autriche, oui, bien là, on va voir qui va remporter les élections, mais tout ça pour dire que... Et ensuite de ça, il y a une autre chose, il y a la constitutionnalité des tribunaux d'arbitrage qui se retrouvent dans la SCG. Alors, il y a... grâce à la Belgique, grâce au Wallon, d'ailleurs. Pardon? Grâce au Wallon, d'ailleurs. Hein? Ben, pas juste grâce au Wallon, mais les Allemands aussi. Ah, un tribunal très important en Allemagne qui actuellement examine ça. Ça devrait prendre 2-3 ans. Et si le jugement est négatif, donc, ça veut dire que l'accord peut sombrer. Alors, ça veut dire que même si l'Europe adopte l'accord, c'est un accord qui, actuellement, est temporaire, hein, et qui risque de s'écrouler à tout moment. Donc, on peut dire qu'il y a encore... Et je pense que notre devoir ici, c'est de continuer à résister contre cet accord, continuer à le dénoncer, pour que les Européens se sentent plus légitimes. Hein, oui. Ils disent, les Canadiens, ils n'en veulent pas non plus, la société civile n'en veut pas. Ben, à ce moment-là, ça va leur donner... une raison de plus pour s'opposer à cet accord-là, pour dire que finalement, c'est pas un accord qui est à l'avantage des populations. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler les Allemands, où il y a de nombreuses manifestations avec de nombreuses personnes pendant que le ministre-président Magnette tentait de ralentir l'adoption. Mais il y a plus de 2000, ça, je prends ça dans un petit guide qu'on peut retrouver sur le site d'Attaque Québec. Donc, si vous faites québec.attaque.org, allez voir sur les pages d'accueil, sur le thème dont on parle, la SCG, il y a un petit guide de désintoxication qui nous donne des chiffres. Il y aura plus de 2000 collectivités territoriales qui ont pris des résolutions contre le CETA ou et le TAFTA en Europe, représentant 75 millions d'Européens. C'est du monde, ça? Oui, oui, c'est du monde. Effectivement, c'est un mouvement qui est très, très important. Ça veut dire que dans les régions, dans les villes, les gens, ils regardent cet accord-là puis disent « c'est pas bon pour nous, ça nous enlève le pouvoir politique, par exemple, de choisir qui on veut pour lorsqu'on fait un appel d'offres. » Donc ça, c'est très important. Vous avez parlé des manifestations en Allemagne. C'est quand même 320 000 personnes en Allemagne qu'il y a eu cette année pour protester contre les accords de libre-échange. Et il y en avait eu 150 000 l'autre année avant à Berlin. Donc, c'est quand même un mouvement assez important. Il y a aussi une pétition d'au-delà de 3 millions de signatures, ce qui est quand même énorme, là, de gens qui s'opposaient à l'accord. Donc, c'est un mouvement qui est un mouvement de fond assez important. Et ces gens-là, évidemment, ils n'ont pas jeté la serviette. Ils pensent que c'est encore possible de faire tomber cet accord-là. Claude Vaillancourt, président de la Québec. Mais ici, là, que faire pour changer le système et non pas le climat? Tu te souviens, on voyait ça souvent à Paris, c'était comme la façon de faire. Bien sûr, il y a une taxe sur les transactions financières qui est mise de l'avant par attaque depuis plusieurs années. On voit ça naître en Europe aussi. Il y a quelques possibilités de ne pas voir la dette comme un instrument de soumission et exiger un audit. Ça, c'est dans un livre sur la dette du Québec dont tu es co-auteur. On le recommande. On a eu la chance d'avoir les invités des autres chapitres de ce livre avec nous. Mm-hmm. C'est un livre vraiment, c'était quelque chose d'important. Mais il y a aussi la lutte contre les paradis fiscaux avec Oxfam. Attaque est très présent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? Oh, ça c'est la grande question. Hein. Ben moi, je pense que il faut se servir d'à peu près toutes les instances qu'on a. Donc les gens, par exemple, qui sont dans des syndicats, ben en parler dans leur instance syndicale pour que ces questions-là ne soient pas négligées. Joindre des associations qui combattent, donner aussi à des organisations qui combattent, aussi essayer de s'informer soi-même, d'être attentif, aller dans des manifestations quand il y en a qui s'organisent. Donc c'est des petites choses qu'on peut faire, mais la somme de toutes ces petites choses, ben ça fait que on avance. Mais actuellement, c'est sûr que malheureusement, les gouvernements essayent un petit peu de forcer un peu les choses, hein, de manière à ce que les citoyens et les citoyennes soient exclus des décisions. Ben faut pas se laisser prendre à ça. Il faut continuer de résister. Je pense que c'est la seule chose qui nous reste, parce que si on continue pas de résister, ben on va se retrouver dans un monde qui est encore pire. Oui. Nettement pire que ce qu'on connaît présentement. Claude Vaillancourt, merci beaucoup. Je résiste à te couper la parole, c'est tellement intéressant, mais je vais inviter les gens à aller lire la dernière revue Relations qui vient de sortir pour décembre 2016 sur le titre, dans le cadre de son 75e anniversaire justement, pour une société juste, La trahison des élites, austérité, évasion fiscale et privatisation au Québec. Tu signes un texte en page 26, Les élites contre le peuple. Donc peut-être que de lutter contre les élites qui ont des liens puissants qui unissent la classe financière, la classe politique, c'est d'essayer de rompre ce système-là peut-être? Oui, certainement, oui. Je pense que ça, c'est un des problèmes majeurs de notre société, c'est que les gens qu'on élit, aussi toutes les grandes élites financières, ben ils agissent, on le voit, là, on regarde, ils agissent contre la population, contre les intérêts de la collectivité. C'est particulièrement, ça s'est fait, moi je le dis dans l'article, ça s'est fait à d'autres époques, mais aujourd'hui, c'est quand même particulièrement inacceptable et on va très très loin là-dedans et on vit dans un monde où les inégalités s'accentuent toujours plus. Donc, il est temps de mettre fin à cette espèce de collusion des élites contre les populations. Bon, merci beaucoup, Claude Vaillancourt. Si c'est ça moi qui vous remercie. Si ça vous intéresse, chers auditeurs, de venir rencontrer Claude, mercredi au Centre Frédéric Bach, on connaît toute l'adresse, là. Venez, on pourra questionner. Si vous n'êtes pas d'accord, ben venez aussi. Hein. C'est quand même intéressant, là, le débat pour lutter contre les élites aussi. Oui, tout à fait. Merci d'avoir apporté ton grain de sable, Claude Vaillancourt. Merci, président d'Attaque Québec. Merci, Étienne Blondeau. C'est intéressant. J'ai appris plein de choses sur le Brexit puis la possibilité de voir et de suivre la politique en Grande-Bretagne. Allons voir ce que les travaillistes ou les vrais travaillistes vont faire. Merci. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Listen closely and you'll hear the very same strangers telling you just exactly why they have to say goodbye. Or that they're scared to fly, or that leaving makes them cry. And just like me, you'll leave a little bit behind, but you'll take a little with you to fill the spaces in your mind. Vous écoutez CKRL 89.